éternel, je me réfugie. Pourquoi me dites-vous, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches dans l'ombre pour tirer sur ceux dont le cœur est droit. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sont